بسم الله الرحمن الرحيم القارعة Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le fracas. Ma al-qari'a. Qu'est-ce que le fracas? Wa ma adraka ma al-qari'a. Et qui te dira ce qu'est le fracas? Yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth. C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ Et les montagnes comme de la laine cardée. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Quant à celui dont la balance sera lourde, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ Il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent.